Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Salut d'NBA avec notre ami Pascal Jobin. Ça va être une entrevue plus courte aujourd'hui. Pascal a moins de temps. Salut Pascal. Bon matin, Danny. C'est Pascal, on va faire ça assez court. Je veux te parler d'RJ Barrett. Quel début. Barrett, Zion Williamson et l'autre qui va être le troisième choix, qui va être dans les 10 premiers aussi. Est-ce qu'ils ont battu Kentucky? Ils ont même pas senti, je pense, ça a fini 118-84. Est-ce que Duke, c'est tout des freshmen. Il y a beaucoup de freshmen dans 5 partants. Est-ce que Duke pourrait être dans les 5 premiers durant la saison et aller jusqu'au et faire un bon bout de chemin au March Madness, même avec une équipe qui a quand même peu d'expérience là? Ben, il y a quand même quelques joueurs, je dirais, vétérans qui n'ont pas de gros noms. C'est probablement ça qui va aider Duke. Ils ont quelques joueurs là, dont le fils de David Robinson. On parle des trois premières années, Cam Reddish, Zion et RJ Barrett. Faut pas oublier Trey Jones, donc un quatrième gars qui était dans les 15 meilleurs joueurs au secondaire. Oui, ils sont jeunes, mais ils démontrent qu'ils ont de l'expérience. Puis faut pas oublier Mike Krzyzewski. C'est un excellent entraîneur, Coach K. Fait que, écoute, j'écoutais les gens parler après ce match-là. Il y en a qui disent qu'ils pourraient avoir une saison sans défaite et un championnat national. Mais en ce moment, si on regarde ce qu'ils ont fait contre Kentucky, qui avait supposément la deuxième meilleure classe de recrues cette année, là, ils perdaient par 30 pendant le match. Ça n'a jamais été un match. Absolument pas. Et c'était contre l'équipe qui était classée numéro 2 aux États-Unis, Kentucky, Kansas qui est numéro 1. Donc, écoute, ça... C'est... Fait que dans le fond, McGill, vous avez pas mal fait. Ouais. Trey Jones puis Cam Reddish, ils n'ont pas joué dans leur petit voyage au Canada là. Ouais. Mais regarde, c'est pas la même. On est content. Tu sais, Alex Paquin qui fait 29 points, c'est quand même contre probablement. Alex Paquin, il t'a fait 29 points contre la meilleure équipe aux États-Unis en ce moment, c'est pas mauvais là. Mais regarde, à la fin de la journée, c'est sur le terrain. Ils ont pas encore connu de vraie pression, mais s'ils jouent de cette façon-là, écoute, on parle d'une équipe qui court pendant 40 minutes, qui pousse le ballon. Pas une super équipe de la 3 points en ce moment. Ils ont quelques joueurs capables, dont Cam Reddish, capable de prendre des tirs de 3 points. Mais écoute, ce qu'on a vu, il a quand même joué avec 10 joueurs. On avait Zion puis Reddish en situation de problème de faute. Mais c'est des gars qui sont tous vus, là, Zion, Reddish, RJ, match international, l'équipe américaine, l'équipe canadienne, ils sont habitués d'être sur ce stage-là. Donc, ça va être une saison. Moi, je vais te dire quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté la NCAA, mais je vais suivre Duke. C'est vraiment le fun show. Mais est-ce meilleur que le Fab Five? Et qu'on aime ça, retourner dans le passé et comparer. C'est parce que maintenant, je compare Price à Alex sur les médias sociaux, puis je me fais tirer les tomates. Ouais. Au basketball, je vais t'arriver avec le 5-5. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le 5-5, c'était, tu me corriges, je te trompe, Pascal, c'était en 92-93, tu avais une équipe de recrues du Michigan. Tu avais Chris Webber, Juwan Howard, tu avais Jalen Rose, il m'en manque deux, là. Ray Jackson et Ray... Jimmy King. OK, les 5 ont fait la NBA, c'était des freshmen, c'est ça? Exactement. Ray Jackson a joué 2 minutes dans la NBA, Jimmy King a joué pour les Raptors, les 3 autres ont eu des carrières assez exceptionnelles. Écoute, je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'était pas dans la tête des gens. On ne commençait pas 5 recrues au niveau du basketball universitaire. Mais regarde, Kentucky, ça fait plusieurs années qu'il commence souvent avec 3-4 recrues. La raison pour qu'on on parle de Duke de cette façon-là, c'est parce que Duke, c'est des joueurs qui sont populaires sur la planète en ce moment, encore plus que les gars de Kentucky dans les dernières années. Fait que RJ Barrett, c'est une vedette internationale maintenant. Là, il a gagné le championnat mondial U19 ou U18. Ah, c'est là qu'il s'est fait connaître. Ouais, tu sais, fait que c'est une équipe avec les médias sociaux, avec YouTube. Zion, c'est une légende de YouTube, là, faut pas se mentir. Fait que c'est une équipe vraiment excitante à voir. Est-ce qu'ils sont. Moi, j'aime pas comparer différentes choses. Je pense que le Fab Five, probablement, je dirais qu'ils sont meilleurs que eux autres par rapport au fait que les joueurs de Duke n'ont pas le même gabarit que Juan Howard et Chris Webber, les deux gars de 6'11, 6'9. Je pense que c'est là que Duke perdrait contre le Fab Five. Si je ferais un match contre le Fab Five à même âge, puis Duke, je pense que Fab Five gagnerait juste avec un Jalen Rose, qui était vraiment là style à la RJ Barrett, RJ plus athlétique, mais le même style de joueur, sauf qu'à partir de là, on tombe avec un Weber puis un Juan Howard qui est vraiment... c'est dur à arrêter. Là. Mais ouais. Écoute, c'est toute une équipe, donc, Danny, puis ils sont le fun d'avoir joué. OK, donc les gens, je pense que TSN va les suivre beaucoup, j'ai l'impression, cette année, parce qu'à cause d'RJ Barrett. T'as-tu le temps, Pascal? Je t'avais 5 minutes. Est-ce que t'as le temps encore pour une dernière question? Oui. Oui, on continue. OK. Luke Walton, dis-moi quand c'était arrêté, là. Luke Walton, son poste serait en danger. À Cleveland, LeBron menait la parade. Mais là, est-ce qu'à Los Angeles, avec Magic, qui est une personnalité aussi forte que LeBron, est-ce que c'est LeBron qui va mener ou c'est Magic? Il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à LeBron menait la parade. Je pense que la décision des propriétaires des clubs. On veut faire plus plaisir aux joueurs qu'à l'entraîneur. Okay, ouais. Disons la vérité. Okay, Danny, je sais pas si tu vois ce que je veux en tenir. Ça veut dire que même si LeBron dit, j'ai pas de problème avec, exemple à l'époque, David Blatt, on sait très bien que sa relation avec Tyronn Lue était meilleure. Mm. On a mis dehors David Blatt, qui avait une fiche de 30 victoires, 11 défaites. Il était numéro 1 dans la NBA, je pense, quand ils l'ont mis dehors. Fait qu'ils ont juste, est-ce que c'est LeBron qui a demandé son départ ou c'est le management qui ont dit on va regarder ce qu'on peut faire pour faire plaisir à LeBron James. Je pense qu'à Los Angeles, tout le monde dit que Luke n'a pas été engagé par Magic Johnson et Rob Pelinka. Donc, si les Lakers perdent, exemple, 10 matchs dans les prochains matchs, parce qu'on regarde l'horaire en ce moment, on se dit qu'ils devraient être, après les 10 prochains matchs, en haut de 500, OK? Si on est en haut de 500 après 10 matchs, Luke Walton va finir la saison. Mais si on perd les 5... Là, on a gagné hier soir contre Minnesota. C'était un match quand même très important. Mais si on réussit à avoir une bonne fiche, je pense que le travail de Luke Walton ne sera pas vraiment en péril. S'il y a des changements d'année, là, cette année, ça ne sera pas Luke Walton, ça va être ses assistants. Okay. On va peut-être engager un Tyronn Lue. On va peut-être engager, un Jason Kidd pour devenir l'assistant de Luke Walton. Mais Magic a dit... le travail de Luke Walton pour cette année est protégé. Okay. Moi, je pense que s'il y a des changements, on va peut-être aller chercher quelqu'un d'expérience. Parce qu'il faut pas se mentir, Luke n'a pas autant d'expérience qu'un Jason Kidd ou qu'un Tyronn Lue. Faut pas se mentir. Même un Mark Jackson. Maintenant, est-ce que ces entraîneurs-là accepteraient un rôle d'entraîneur assistant? Tu sais? Le top des assistants avec Luke Walton, c'est Brian Shaw. Et est-ce que c'est assez? T'sais, fait que moi, je serais pas surpris peut-être qu'on engage un nouvel assistant qui a beaucoup d'expérience, qui va accepter un rôle, puis à partir de là, mais Luke Walton va finir la saison, je suis convaincu. OK, t'es convaincu. On part-tu des Raptors une seconde? Absolument. OK, les Raptors, ouais. Pascal, ça va très très bien. Sans Kawhi Leonard, écoute, est-ce que ça te surprend ce début de saison-là? Moi, je m'attendais que pas vraiment, parce qu'il allait être dans l'Est, ça allait être une bataille avec Boston et Philadelphie. Mais des retrouvés là à 10-1, ils étaient sur la côte ouest, ils ont très bien été sur la côte ouest encore. C'est pas facile. C'est vraiment tout un début de saison pour les Raptors. Ce qui est le fun, c'est que Nick Nurse, l'entraîneur-chef, amène une nouvelle vision du basketball. Je pense que des fois, un changement d'entraîneur est important. Ça faisait quand même 5-6 saisons que Wayne Casey était là. C'est surprenant parce que c'était l'adjoint de Casey. Donc, c'était la même gang, là, à quelque part. C'est surprenant pareil, parce qu'on dit tout le temps l'adjoint, de ne pas nommer l'adjoint. Mais tout le monde savait que Nick Nurse était joueur de l'année dans la G League, était un assistant en devenir un entraîneur-chef. Ouais. Faut pas se mentir. Danny, on le savait. C'est pour ça que les Raptors n'ont pas été trop loin. Il y a une réputation que tous les directeurs généraux connaissent, que c'est un. c'est un entraîneur qui a pas peur du renouveau. Dans le camp d'entraînement, il donnait des ceintures de champion de boxe aux meilleurs défenseurs dans la pratique. C'est des affaires qu'on fait des fois avec les jeunes, mais c'est le fun. Il y a de la musique dans les pratiques. Il est arrivé avec son propre bagage, sa propre vision. Il a pas peur, lui, de dépendamment de qui va jouer. Il emmène le, tu sais, la plupart des entraîneurs, ils ont une routine spécifique. À 3 minutes, on fait un changement. Voici le 5 partant pendant 10 matchs. Nick Nurse, il dit, OK, aujourd'hui, on joue contre Denver. Denver, Jamal Murray est blessé. Bon, je vais commencer tel joueur au lieu de tel joueur. Il n'y a pas peur de faire ces choses-là. Moi, je trouve ça, je regarde beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ça, le monde qui emmène de la nouveauté dans le sport, des changements, qui n'ont pas peur d'essayer des choses. Puis pour Toronto, ça fonctionne très bien. Je pense que les joueurs, en ce moment, ont du plaisir à jouer. Kyle Lowry a du plaisir à jouer. Et puis, t'amènes tu sais, c'est dommage d'avoir perdu DeMar DeRozan, mais Kawhi Leonard amène un autre niveau, au niveau défensif, au niveau communication, puis il est capable de tout faire sur le terrain. Là, on a une méga star. DeRozan, c'est une star, mais Kawhi Leonard, c'est une méga star. Fait que, écoute, non, ils ont tué les Lakers. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est qu'il protège Kawhi Leonard. Jusqu'à maintenant, les deux matchs en deux soirs, Leonard joue pas deux matchs en deux soirs. Exact, absolument, tu as tout à fait raison. C'est ce que j'aime actuellement. Pascal, je vais te laisser et on s'en reparle dans 2 semaines. Ça fait plaisir. Pascal Jobin.